today, que le ciel me tombera sur la tête et que la colle me manquera. C'est marre à tout casser, l'évier, le bar me laissant seul comme un grand connard. Le pied dans le plat, ça plane pour moi, ça plane pour moi, ça plane pour moi, moi, moi, moi, moi, ça plane pour moi. Ça plane pour lui, Plastic Bertrand sur RGM, un peu plus de 8h36. On parle anniversaire avec ceux qui sont nés un 24 février 1947, naissance d'Edward James Olmos, acteur américain vu dans Blade Runner dans le rôle de Gaff, la série télé Deux flics à Miami dans le rôle du lieutenant Martin Castillo, à la Maison Blanche, Battlestar Galactica dans le rôle de l'amiral William Adama, Dexter ou encore Marvel, les agents du SHIELD. 1951, naissance de Debra Jo Rupp, actrice américaine connue pour avoir interprété le rôle de Kitty Foreman dans la série télé The 70 Show et le rôle d'Alice dans la série Friends. 1954, naissance de Plastic Bertrand, chanteur belge. 1955, naissance d'Alain Prost, ancien coureur automobile français, quadruple champion du monde des pilotes de Formule 1 en 85, 86, 89 et 93, victorieux de 51 Grands Prix de F1 pour 199 départ entre 1980 et 1993 et il a également signé 106 podiums. 1963, naissance de Laurent Ruquier, animateur radio et télé français, producteur, auteur de théâtre qui présente On n'est pas couché, qui a présenté On va se gêner, On ne demande qu'à en rire, il présente Les grosses têtes et Les enfants de la télé. 1966, naissance de Billy Zane, acteur américain vu dans Retour vers le futur 1 et 2 dans le rôle de Match, Titanic dans le rôle de Caldon Oakley, à la télévision dans Charmed ou encore Legend of Tomorrow. 1979, naissance de Sébastien Bosquet, ancien handballeur français qui évoluait au poste d'arrière droit, qui est notamment double champion du monde en 2009 et 2011 et double champion d'Europe en 2006 et 2010. 1980, naissance de Lamine Lesga, humoriste français qui s'est fait connaître grâce à l'émission On ne demande qu'à en rire. 1981, naissance de Leighton Hewitt, joueur de tennis australien ayant fait carrière de 1998 à 2016 avant de revenir en 2018 en jouant simplement en double. En simple, il a été numéro 1 mondial, il a gagné une fois Wimbledon ainsi que l'US Open, une fois finaliste à l'Open d'Australie, quart de finaliste à Roland-Garros. En double, il a été 18e mondial, il a remporté une fois l'US Open, il a été quart de finaliste à l'Open d'Australie, 8e de finaliste à Wimbledon et 16e de finaliste à Roland-Garros. Avec l'Australie, il a remporté deux Coupes Davis, c'était en 1999 et 2003. Et à son actif, il compte également une World Team Cup remportée en 2001. Et on termine les anniversaires en 1983 avec la naissance d'Isabelle Uturburu, journaliste sportive française, plutôt spécialisée dans le rugby. Allez, tout de suite, on va laisser la parole à Lia qui nous parle d'un vide armoire. Bonjour à toutes et à tous, vous êtes bien sur Radio Gémozo 107FM et vous pouvez également nous écouter depuis notre site internet www.radiogemozo.eu. Et aujourd'hui, petit tour vers notre billet de sortie avec nous au téléphone, Quentin de l'Amicale Scolaire de Saint-Amy. Quentin, bonjour. Bonjour. Comment ça va ? Ça va bien, merci. Et vous ? Mais ça va très bien, merci beaucoup. Merci d'avoir accepté d'intervenir quelques instants sur nos ondes donc, pour parler d'un événement qui aura prochainement lieu, un vide armoire, le 1er mars. C'est bien ça ? C'est ça, tout à fait. L'Amicale de Saint-Amy organise son vide armoire, on va dire classique. D'accord. C'est déjà plusieurs années qu'on le fait. Combien de temps alors ?

Malgré le temps qui passe, les blessures qui s'effacent, les bons souvenirs qu'on oublie, les mauvais qui refont surface. T'as toujours été là, sache que personne ne te remplace. Et dans mon cœur, t'auras toujours ta place. Et si un jour t'es triste et que cette douleur persiste, n'oublie pas que je serai l'un des premiers à te rendre service. Tu comptes beaucoup pour moi, plus que ce que tu l'imagines. Le love fait pousser des ailes, vite le love réanime. Et si un jour tu penses que je ne t'aime plus, écoute cette chanson, écoute son contenu. Je ne pourrai jamais t'oublier, sois venu. Oh, et Maria ne veut pas se marier. Oh, et Maria n'aime pas l'autorité. Maria n'est pas une vie pour toi. Elle n'est pas très courtoise. C'est pas une vie pour toi. Dans tes yeux, il y a quelque chose qui fait que, il y a quelque chose qui me plaît. Il y a quelque chose qui fait que je te veux, tu me plais. Et dans tes yeux qui te trahissent sur tes pensées, bien qu'elles soient certes sensées, comme un arrière-goût inachevé. Maria n'aime pas se marier. Ah, et Maria n'aime pas l'autorité. Maria n'est pas une vie pour toi. Elle n'est pas très courtoise. C'est pas une vie pour toi. Maria n'est pas une fille pour toi. Elle n'est pas très courtoise. C'est pas une vie pour toi. Et Maria n'est pas une fille pour toi. Elle n'est pas très courtoise. C'est pas une vie pour toi. Le groupe Mauvaise Graine avec le titre Maria sur le 107FM. Un peu plus de 8h47, on parle météo. La météo. Eh bien aujourd'hui, ce seront des nuages et de la pluie et même des rafales de vent. Des températures comprises entre 9 et 10 degrés ce matin, entre 10 et 12 degrés pour cet après-midi. Mardi, ça ne va pas s'améliorer, on aura toujours de la pluie avec du vent. Des températures comprises entre 6 et 7 degrés le matin, entre 7 et 8 degrés prévues pour demain après-midi. Et pour mercredi, ça se dégrade encore plus, de la pluie, du vent et même quelques averses de neige à prévoir pour mercredi. Donc si je parle de neige, eh bien, ça veut dire que les températures vont diminuer. On aura entre 2 et 3 degrés mercredi matin et entre 3 et 4 petits degrés pour mercredi après-midi. Allez, on file tout de suite faire un point sur l'actu sportive. Les résultats sportifs. Et cette actu sportive, je peux la commencer par ceci ce matin. Alors vous allez me dire pourquoi la Marseillaise ? Eh bien notamment en rugby, le tournoi des Six Nations. La France enchaîne les victoires. Ils se sont imposés au Pays de Galles sur le score de 27 à 23. Et avec les autres résultats, eh bien la France est toujours en tête de ce tournoi des Six Nations. Cocorico également en biathlon avec les championnats du monde sur le relais. Messieurs, la France s'est imposée devant la Norvège et l'Allemagne, la France qui n'avait pas remporté de relais masculin depuis 19 ans, eh bien ça y est, maintenant c'est chose faite et il y a eu beaucoup d'émotions samedi, notamment l'émotion de Martin Fourcade. C'était le seul grand titre qui manquait à son immense palmarès. Eh bien maintenant ça y est, il est médaillé d'or sur le relais messieurs. Ça lui fait 12 titres de champion du monde. L'émotion de toute l'équipe de France et également de Simon Fourcade hein, qui était au commentateur chez nos confrères de la chaîne L'Équipe lors de ces championnats du monde. Donc voilà, la France championne du monde du relais messieurs, et la joie des hommes a compensé eh bien la déception hein, sur le relais féminin, puisque la France a terminé seulement 14e, hein, beaucoup trop d'erreurs au tir. Le relais féminin a été remporté par la Norvège devant l'Allemagne et l'Ukraine. La Mastart féminine hier a vu la victoire de la Norvégienne Marte Olsbu Røiseland. C'est décidément la femme de ces championnats du monde, puisqu'en 7 courses, elle a remporté 7 médailles. Elle devance ainsi l'Italienne Dorothea Wierer, autre dame de ces championnats du monde, et la Suédoise Anna Öberg après plusieurs 4e places. Et bien, ça y est, elle a décroché enfin une médaille, une médaille de bronze, donc sur la Mastart. La belle 5e place de Julia Simon, 10e place pour Anaïs Bescon, 11e place pour Célia Imonier, et ça a été beaucoup plus compliqué pour Justine Brezaz qui termine 22e. Et la Mastart, messieurs, a vu la victoire de Johannes Bø, impérial, 20 sur 20 au tir. On ne peut pas faire mieux. Il devance ainsi le Français Quentin Fillon-Maillet avec 3 fautes et un autre Français, Émilien Jacquelin, avec 2 fautes. Donc voilà, nouvelle médaille pour Émilien Jacquelin qui termine ses championnats du monde avec 4 médailles, 3 médailles pour Quentin Fillon-Maillet. 4e place pour Tarier Bø, Émilien Jacquelin qui a encore battu un autre frère Bø au sprint. 5e place pour Simon Détu avec 1 faute et 3 fautes pour Martin Fourcade. Il se classe 7e de cette Mastart. Et au classement des médailles, eh bien en première place, c'est la Norvège avec 11 médailles. Deuxième place pour la France avec 8 médailles, 3 médailles en or, 2 en argent et 3 en bronze. Et pour compléter le podium, c'est l'Italie avec 4 médailles. Un mot de hockey sur glace avec les playoffs de la D2 et Épinal qui s'est qualifié en 2 manches face à Vaujany. Ils se sont imposés samedi soir sur le score de 5 à 2, direction donc les quarts de finale. Il a fallu attendre hier pour connaître l'adversaire de l'EHC, puisque Courchevel a dû aller en match 3. Et oui, c'est Courchevel que les Spinaliens affronteront samedi, donc dans les Alpes. Et le match à Épinal, eh bien, ce sera le 7 mars pour le match numéro 2 et le 8 mars, toujours à Épinal, pour un match numéro 3, si besoin. Un mot de basket avec l'Euro 2021 et match de qualification. Ce week-end, la France s'est inclinée en Allemagne 83 à 69. Il faudra se reprendre aujourd'hui contre le Monténégro. Allez, football, tous les résultats de la Ligue 1. Nice a fait match nul face à Brest, 2 buts partout. Metz s'est incliné à domicile face à Lyon, 2 buts à 0. Marseille s'est incliné à domicile face à Nantes sur le score de 3-1. Angers s'est imposé 1 but à 0 face à Montpellier. Dijon et Monaco ont fait match nul, 1 but partout. Lille s'est imposé 3 buts à 0 face à Toulouse. Strasbourg et Amiens ont fait match nul, 0 partout. Saint-Etienne et Reims ont fait match nul, 1 but partout. Rennes s'est imposé 2 buts à 1 face à Nîmes. Et le Paris Saint-Germain a dû batailler face à Bordeaux. Le club parisien s'impose 4 buts à 3. En Ligue 2, Nancy s'est incliné à Chambly sur le score de 2 à 1. En National 2, Épinal s'est imposé face à l'équipe 2 de Lille, 1 but à 0. En National 3, le match entre Raon-l'Étape et Vauban-Strasbourg a été reporté et Taon s'est imposé 1 but à 0 face à l'équipe 2 de 3. Et direction le foot anglais, on va parler de Chelsea puisque ça y est, Olivier Giroud a été titularisé ce week-end et il a répondu de la meilleure des manières en inscrivant un but. Voilà, pas titulaire depuis plusieurs mois maintenant, il n'avait pas inscrit de but depuis encore plus longtemps, et bien voilà, c'est chose faite, titulaire, il a marqué. Et au final, Chelsea a battu l'équipe de Tottenham, 2 buts à 1. Et on termine avec du tennis, plusieurs tournois cette semaine, notamment à Dubaï. Aujourd'hui, mon fils qui affronte Fuksovic et Richard Gasquet sera opposé à Harris et à Acapulco. Adrian Manarino affrontera aujourd'hui Nori. Allez, on va tout de suite marquer la dernière pause musicale avec Christophe Maé et son titre « Casting ». Mesdames, messieurs, excusez-moi. Vous savez, pour moi, c'est la première fois. J'ai la voix qui tremble un peu, je sais. Et vos lumières dans les yeux. Mais mesdames, messieurs, écoutez-moi. J'ai pas grand-chose à part ma voix. Je rêve pas de fortune. Juste de lumière qui s'allume. Mesdames, messieurs, regardez-moi. Si je suis là, c'est que j'y crois. Ils vous le diront que j'ai du talent. Que ce soit mes potes ou mes parents. Mesdames, messieurs, croyez-moi. Vous savez, je ne sais faire que ça, moi. Je veux plus chanter dans ma chambre. Je veux qu'on m'écoute, pas qu'on m'entende. Mesdames, messieurs, emmenez-moi. Je ne veux pas rentrer chez moi. Y'a rien à faire là-bas.